Valium, de part. Le bleu, c'est Valium, puis le blanc, c'est un, pour t'énerver. C'est loin d'en avant. Le déballage est où en arrière? Je m'intéresse beaucoup à l'enfant et au fait de devenir un éducateur convenable pour ses enfants nouveaux. Tes livres sur le sujet m'y aident convenablement. Fonderas-tu une école où je pourrais y travailler, ou existe-t-il déjà un milieu pour y travailler, pour apprendre à le faire? Cela m'intéresse énormément. Alors, une réponse Teflon. On fondera pas d'école pour aller là-dedans, parce que c'est bien trop de travail. En plus, si on a une école pour les enfants Teflon, il y a peut-être 33% des jeunes présentement qui sont caractère Teflon dans la population. Alors, sur peut-être 2 millions de jeunes. Alors, si on fait une école, on ne réglera pas le problème, parce que dans 2 ans d'ici, il va falloir qu'on... En tout cas, bref, il faudrait qu'on fasse une compétition au réseau du ministère. Je pense pas que CR et les autres vont être d'accord. Mais... Pour les acheter, les écoles? Oui. La solution, c'est une personne, par exemple, qui va être un éducateur convenable de travailler avec l'enfant. Ce qu'il devra faire pour être un éducateur convenable, réponse Teflon, ça serait d'éduquer les adultes qui travaillent avec les enfants. Ça, c'est rentable, c'est convenable, et c'est réellement de travailler avec les jeunes. Même si on ne les voit pas souvent. Il faut travailler pour eux autres. Dernièrement, une conférence dans une école, je posais une question à l'ensemble des gens, il doit y avoir 100 personnes. Est-ce que vous voulez, il y en a qui criaient un peu, parce que quand on amène des solutions neuves, évidemment, il y a toujours les traditionnalistes qui sont là pour entendre parler du neuf, mais qui ne veulent pas du tout qu'on en parle. Et je posais la question, est-ce que vous voulez régler le problème de l'enfant ou le problème que l'enfant cause? T'sais? Dites-moi sur lequel des deux plans vous voulez qu'on parle, m'a parlé sur le plan que vous allez vouloir, ben vous amenez des solutions. Est-ce qu'on règle le problème de l'enfant ou les problèmes que l'enfant cause? Personne n'était capable de répondre. Parce que philosophiquement, il faudrait répondre, on règle le problème de l'enfant, mais il n'y a pas un adulte qui veut, ils veulent régler le problème que l'enfant cause. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui dit qu'on devrait faire les deux. Là, j'essaie de leur expliquer que faire les deux, ça veut dire que si le jeune veut manger de la gomme, il peut en manger à la condition qu'il n'en mange pas. On règle les deux. S'il arrive en retard, c'est pas grave, à la condition qu'il arrive à l'heure, tu sais, on règle les deux. Et donc, pour travailler avec les éducateurs, non, faire une école, c'est pas intéressant, pas pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il faudrait premièrement placer les parents dans l'école avant de placer les enfants. Et il y a trop d'enfants Teflon, ce qui fait que, puis tous les enfants, de toute façon, méritent d'avoir la même éducation que l'enfant Teflon. L'enfant Teflon, lui, a besoin de respect. Si on ne respecte pas, il plante. Ça colle pas. L'autre enfant, il est frustré, mais il accepte. Il n'y a pas un enfant qui souffre d'être respecté. Donc, le système d'éducation adapté à l'enfant Teflon devrait être adapté à tous les enfants. Donc, ouvrir une école, c'est se faire un ghetto. Se faire un ghetto, c'est de confirmer que l'enfant est malade, que le Teflon est une pathologie. Et ce n'est pas la solution, si on regarde travailler sur la jeunesse, là, à moyen ou à long terme, ce n'est pas la solution. Alors peut-être qu'un jour, il y aura des écoles spécialisées, puis on essaiera de vendre à l'extérieur que, non, c'est juste qu'on fait des tests, simplement, puis quand ça fonctionne, on doit absolument l'exporter dans les autres milieux. Présentement, il y a plusieurs personnes qui font des conférences dans les écoles, pour les parents, pour les professeurs, les psychologues, etc., puis c'est quand même assez ouvert. On peut considérer, d'ici que 4 ou 5 ans, probablement, là, que ça va être pas mal changé. Mais il n'y a pas de... Soyez humains. Mais le changement se fait beaucoup plus vite en formant les formateurs qu'en formant les enfants. Ben exactement. Ça, c'est pas de la formation, c'est de l'information. À un moment donné, il faut qu'on voit les jeunes un peu pour qu'ils lâchent un peu les adultes, là. Mais enfin, c'est évident. Toi, l'être humain, la conscience, subis-tu de temps à autre l'attaque de l'ego ou des autres égos, même si tu sembles l'avoir assimilé? Peut-elle refaire surface parce qu'elle a été éliminée, ou est-ce un combat de tous les jours pour la conscience? Non, ce n'est pas un combat de tous les jours, pour la simple raison que quand vous parvenez à évoluer sur le bon créneau, on ne se bat plus avec le reste. Alors, vu qu'on ne se bat plus avec le reste, ça ne dérange pas. Alors, un matin, par exemple, je me lève, mon cheval, mon ego est de mauvaise humeur, alors j'ouvre un tiroir pour fouiller dans quelque chose, puis j'ai une main prise, je veux fermer le tiroir, c'est un grand tiroir, il ne se ferme pas avec une main, fait que là, mon ego ramasse un pied, puis donne un coup, puis le tiroir rentre. Et là, ben, si on regarde mon pied, mettons qu'il y aurait un plan, on voit juste les jambes travailler, là, puis bang, bang, tu se tapes, le bonhomme n'est pas de bonne humeur. Là, tu montes la caméra en haut, et un grand sourire, là. Je trouve ça drôle, hein? L'ego vient me donner un coup sur le tiroir. Puis après ça, quand je sors de la chambre, l'ego il contrôle plus le corps. Donc, je me suis pas fait récupérer, puis j'ai pas eu à le contrôler, parce que le moment que l'ego est arrivé, je m'amuse tellement de voir comment ça fonctionne, puis comment un con, c'est, qu'il est fait à l'os, il finit. Donc, j'ai pas à me battre comme ça régulièrement. Puis, dire à un être humain ou dire aux gens que de temps en temps j'ai des problèmes d'ego, ce qui serait faux dans le sens qu'ils veulent l'entendre, mais ça crée un problème aussi parce qu'un jour, voilà 5 ans, on m'a posé une question similaire, puis j'ai dit que oui, de temps en temps, je me faisais récupérer, c'est voilà 5 ans, et il y a deux personnes qui ont pensé à se suicider après parce qu'ils se sont dit à Barouette, si lui se fait récupérer, ben moi où j'en suis, j'arriverai jamais là avant... Alors que c'est toujours faux. Pourquoi? Parce que c'est pas la distance qui est importante, c'est la vitesse avec laquelle on se déplace. Mais non, je ne me fais pas récupérer par mon ego. Les animaux humains se regroupent à leur insu pour supporter le fait de fumer. Le cheval... Ah, je pensais que c'était du fumier, parce qu'on parle du cheval. Le cheval a peur de l'énergie qui affluera et qui remplace la boucane. Comment le contourner, ce maudit cheval, pour supporter cette énergie et la rendre active, non pas énervante? As-tu déjà essayé de fumer? Peux-tu comprendre le problème? Oui, j'ai déjà essayé de fumer quand j'étais jeune. Puis la seule impression qui m'est restée, c'est que j'avais le goût d'en prendre un autre. Et je trouvais ça assez niaiseux que j'avais continué. Mais j'ai essayé. Moi, c'était du papier gazette avec du foin. Remarque, c'était peut-être pas bon comme exporté ou les autres, là. Mais... Il a fallu que tu prennes la presse, au moins. Voilà, c'est ça. En tout cas, ça ne m'a pas donné le goût d'apprendre l'anglais. Alors, les animaux, bon, etc., etc. Ici, très important, comment le contourner, ce maudit cheval? Il y a déjà un problème, c'est que c'est le cheval qui parle. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, être patient, puis jaser pour aller chercher de l'énergie. Et c'est tellement simple que les chevaux ne veulent pas. Dans une conférence, je disais qu'à travers chaque être humain, à travers chaque homme, il y avait un maudit étalon. Dans les femmes, il y avait une maudite jument. Puis chez les enfants, il y avait un maudit poulain. C'est ce qui arrive. C'est maudit égo, maudit cheval, c'est un problème. Vous êtes déjà en guerre contre. Alors en partant, c'est comme... Comment puis-je finir par être en paix et puis ne plus crier, maudit? Ferme ta boîte. C'est réglé, c'est bien simple. Ah, ça n'a pas d'allure! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est cesse de crier. Ben oui, mais après ça va régler le problème. Ben oui, c'est ça le problème. Cesse de crier. Alors, maudit égo, c'est de l'ego. Alors, maudit égo, ah tiens, c'était de l'ego. Puis là, ça renchérit tout de suite. Ah oui, d'abord, je ne suis pas si évolué que je pensais, c'est encore de l'ego. Vous le voyez? Criez pas. C'est ce que vous devez comprendre. Chaque fois que vous le voyez, offrez-vous un gâteau. Vous gagnez. Mais non, à place, quand l'humain voit le problème, il se met à chioler puis il se sent mal. Ben, j'ai encore bu. Ben, tu le sais, oui. Ben, c'est génial, t'as la conscience. Continue à avancer puis laisse faire ce que tu as encore bu. C'est simple. Ben oui, mais là, je m'en sortirai jamais. Non, c'est révoltant. Je m'en sortirai pas certain. C'est juste de l'ego. Alors, vous devez refuser le dialogue avec l'astral. Vous pouvez lui amener de l'information pour le structurer, mais pas discuter avec lui. Ça engendre la mentalisation. À un moment donné, on est toujours en train de se parler, puis de se chialer, puis de se philosophiser, puis de se psychanalyser, puis on ne fait rien. Alors, par exemple, les animaux humains se regroupent à leur insu pour supporter le fait de fumer. Les chevaux ont peur de l'énergie qui affluera et qui remplace la boucane. C'est évident, c'est que l'instantanéité va remplacer la mémoire. Bien, tout ce qui est structuré dans la mémoire a peur de l'instantanéité. L'ego est structuré dans la mémoire. Il a peur de l'instantanéité. La conscience, elle est vivante. Et immédiate, instantanée, spontanée. Alors, nécessairement, ça n'a rien à voir avec l'ego. Ici, la boucane. Comment le contourner, ce maudit cheval? Tout à l'heure, j'ai expliqué qu'on peut, effectivement, je peux donner des techniques pour le contourner. Vous allez passer votre vie à vous battre. Et vous allez vous battre en attendant d'être suffisamment énergisé un jour pour comprendre qu'on peut faire autre chose que de se battre. On parle souvent du guerrier supramental. Le guerrier supramental, c'est le guerrier qui, justement, n'a pas besoin de se battre. Pourquoi? Parce que personne trouve que le gars ou la fille mérite qu'on l'attaque. Ça ne va pas. Alors, on ne l'agresse pas. Alors, la personne de la rive ici avec un revolver, elle dit, tiens, je vais descendre tout le monde. Vous êtes tous des guerriers supramentales, puis il va dire, oh, puis, on peut asseoir. Bon, pourquoi? Je ne sais pas. Ah, tu sais, moi, dans le bord à la place. Une chose certaine, c'est qu'il n'y aura rien. Personne n'a besoin de se battre. Parce que l'humain n'a plus besoin. Vous évoluez sur un créneau, tout le reste se place. Alors, le mot du cheval, il va finir par s'en aller. Il va s'atteler à une diligence d'un autre à un moment donné. En rejetant un antihomme, il va aller se planter chez quelqu'un d'autre. C'est correct. Un jour, il y aura une ville, puis il y aura l'enfer, la ville qui entoure la ville, l'enfer qui entourera la ville. Puis à un moment donné, ben là, tout ça va être totalement dissous. Il ne restera que ce qui est intelligent. Mais on ne peut pas travailler, comme je l'ai expliqué, sans problématique, si déjà on est en train de gueuler contre l'ego. Pourquoi la vie est plaisante, pourquoi ma vie, en tout cas, est plaisante, pourquoi ma vie est amusante, c'est uniquement parce que je la vis sérieusement. Alors que les personnes, la majorité des égos, se prennent au sérieux et ils ne peuvent pas vivre leur vie sérieusement. Tout le temps que l'humain passe à chialer, c'est parce qu'il ne vit pas sérieusement. La vie, c'est sérieux. Alors, chialez pas, faites d'autres choses. Parce qu'il se prend au sérieux dans la vie, par contre, ben oui, mais maudit, il pleut encore. C'est ça, je sais, c'est tellement important qu'il ne devrait jamais pleuvoir. Là, tu te prends au sérieux. Et nécessairement, comment voulez-vous qu'un humain évolue convenablement? C'est le cheval qui est toujours en train de hennir, de gueuler, de donner des coups de pied, de mordre, etc. Comment contourner le mot du cheval? Lâche-le, cheval, pense à toi. Par exemple, on a deux façons d'évoluer avec notre ego. S'arranger pour se faire des muscles, s'arranger pour faiblir l'ego. Si mon cheval est plus faible, moi mieux le maîtriser. Mais si je me renforcis, je vais aussi mieux le maîtriser. On doit travailler sur ce qui va rester sur soi. Alors, faites-vous des muscles. Si on se fait des muscles, on prend de l'énergie. La meilleure façon de se faire des muscles, rapidement, c'est de manger des protéines animales. Mon Dieu sait. Alors, mangez le cheval. Faites des muscles. Non seulement vous allez avoir des muscles, mais en plus, vous n'avez plus de cheval. Mais on a le choix. Ou on est toujours en train de taper dans le cheval pour le faiblir, ou on s'occupe de nous. Quand il n'y aura plus le cheval, qu'on n'aura plus de diligence, qu'on va être en ville, il faut aussi qu'on puisse marcher. Mais il ne sera plus là pour nous traîner le cheval. Donc, on travaille énergétiquement sur ce qu'on est. Vous savez, il y a l'énergisation. L'énergisation, c'est ce que les gens vont chercher quand ils vont voir des positivistes, des motivologues, des gourous, des prêtres, des spirituels. Ils vont chercher de l'énergie, mais c'est l'énergie de l'autre. Ils vont s'énergiser. Ils sortent de là énergisés, barbouillés d'enthousiasme. Mais on doit maintenant s'énergifier. S'énergifier veut dire se bâtir en fonction de sur de l'énergie. Et non pas uniquement se survolter, là, tout être parti pour se refroidir après. Puis là, on repompe encore, puis on se refroidit encore. Les conférences énergisent. Mais l'individu qui est capable de cesser de parler en mal du mal, ben nécessairement, lui va cumuler son énergie, il va s'énergifier. Je reviens encore sur une chose. J'explique quelque chose, les mots sont une raison de communiquer pour que vos oreilles soient à l'écoute. Mais il y en a aussi. Communiquant, j'émets de l'énergie, cette énergie, elle stimule votre énergie, ça crée une synergisation. C'est une chose. Si vous prenez de l'énergie pour comprendre ou pour vous créer des concepts ou etc., vous ne pouvez pas vous énergifier parce que dans votre mémoire, vous prenez l'énergie pour conserver de l'information. Si au lieu de faire cela, vous laissez les choses couler simplement, ben, à un moment donné, on ne comprend pas tout. Moi, je me rappelle à peu près de jamais de ce que je dis en conférence. Ça a un avantage, évidemment, je ne me contredis pas. Je peux dire n'importe quoi d'autre, puis quelqu'un me dit « j'ai déjà dit ça », bon, je ne suis pas au courant. Alors, ça facilite les choses. Mais, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, vous allez finir par être capable de parler d'un concept, mais vous n'aurez pas créé le concept dans votre intellect ou dans votre mémoire. Vous allez être le concept. Vous allez être énergifié, c'est-à-dire que vous allez avoir structuré énergétiquement un véhicule qui va vous permettre de voir le monde, la réalité, et on pensera que c'est un concept. Mais ce n'est pas un concept chez vous parce que vous ne pourrez pas dire « je pense que », vous allez dire « je sais ». Mais pas d'un savoir relié à la foi aveugle et spiritualiste. Je le sais que c'est ça. Et probablement, tu as autant raison que moi. Mais on est sur deux points de vue diamétralement opposés. On a probablement raison tous les deux. Mais ton point de vue ne me sert pas, donc on n'en parle pas. Alors que les spiritualistes, lui, devra convaincre l'autre d'embarquer parce qu'il ne peut pas se maintenir dans sa vision si toute l'humanité n'est pas dedans. La foi, elle doit être aveugle et elle est toujours fragile. Pourquoi? Parce que, justement, si elle est collective, et dans le collectivisme, si lui, par exemple, je lui dis que le chemin est par là, puis lui, il me dit non, le chemin est l'autre bord, je sais plus. Alors que là, la personne qui s'énergifie, elle sait. Alors, je saurai que c'est par là que je dois aller, puis je n'aurai rien contre qu'il passe par ailleurs. J'aimerais énergétiquement qu'on voyage ensemble, mais je n'ai rien à faire si on voyage séparément. On doit cesser de parler en mal du mal. Conférence qu'on fait au mois de juin, c'est ça, on est bien au mois de mai, là, ouais, bon. Je me trouve des années souvent, mais rarement des mois. Alors, il y en a une, c'est le bien du mal, le mal du bien, bien, on va justement aller triturer ça. Les conférences que je vais faire, c'est des conférences qui vont quand même être ajustées aux personnes qui viennent pour les premières fois, mais à l'intérieur, on devra s'amuser à aller chercher uniquement les vents énergétiques, sans nécessairement tout comprendre de la mécanique. Comme là, j'explique l'ego, j'explique des choses, et on prend moins d'exemples. On ne prend pas le cheval. Je parle de l'ego, je parle de la centricité du spiritualiste sur lui-même, de la foi aveugle. Là, à un moment donné, c'est moins applicable. Mais c'est drôlement plus énergétique. Et pourquoi c'est plus énergétique? Parce que justement, c'est moins compréhensible par l'ego. Étant moins compréhensible par l'ego, c'est le mental qui récupère. Puis il n'y a pas besoin d'avoir une forme. C'est énergisant. Et on devra de temps en temps aller donner des exemples qui sont adaptés à l'ego. C'est normal. Pour que l'ego comprenne le jeu de votre conscience. Votre conscience, c'est pas de tuer. Une conscience, ça tue pas. Ça déteste pas. Ça gueule pas. Alors, le mot du cheval, ah, l'ego va vous ruer dans les brancards. Il aura peur de votre conscience. Parce qu'il aura l'impression que la conscience dit le mot du cheval. Le mot dit ego. Alors que c'est une partie de l'ego qui dit le mot dit ego. Et qui joue le jeu de la conscience. Mais un être humain qui est conscient n'est pas non-violent. Il n'est pas violent. C'est au-delà de cela. Même chose pour l'ego. On doit être au-delà de la violence et de la non-violence. La non-violence, c'est aussi violent que la violence, ça paraît moins. Bon, quand Gandhi décide d'aller voir les Anglais, puis il leur dit « sacrez votre camp », les Anglais ils disent non. Alors Gandhi se met à jeûner, puis il dit « c'est de votre faute si je souffre ». Tous les Anglais se mettent à souffrir. Fait que pour sa cause qu'ils souffraient, les Anglais, ils sont partis. La non-violence, c'est faire à l'humain ce qu'il ne veut pas faire. La violence, c'est faire à l'humain ce qu'il ne veut pas faire. Dans l'apparence, il y en a un qui paraît mieux que l'autre. Il y en a un qui est plus évolué que l'autre. La non-violence. Mais les deux, c'est question de manipuler contre le gré de l'autre un individu. On ne manipulera pas notre ego contre son gré. Imaginez que l'ego vous habite. Tout ce que vous voulez le faire, il sait. Ça ne fonctionnera jamais. Alors, faites plus rien contre lui. Faites pour vous. Et à un moment donné, il va finir par se placer. Il n'y aura pas le choix. Alors, maudit ego. Crime. Abandonnez ça. Chantez. Criez. Faites quelque chose d'autre. Cessez de psychanalyser votre ego. À un moment donné, vous pouvez lui dire, tu sais, le petit ego, on est bien ensemble quand même. Toi, tu as toujours peur de moi. Cesse d'avoir peur de moi. Ça fait 2 semaines, là, puis tu n'es pas mort. Puis on est bien. Puis tu te rapproches du bonheur que tu cherches. Fait, ferme donc ta grande gueule, puis suis donc ta tantinette. Là, on instruit l'ego. Mais on ne doit pas dialoguer avec un ego. On n'en sortira jamais. Tout ce qu'on veut amener, il colore, il l'interprète, il le connaît. Imaginez, vous vous battez contre un ennemi. Puis, chaque fois que vous avez une idée, vous y envoyez. Après ça, quand vous arrivez, vous dites, « Crime, mais oui, mais il n'est pas où ce qu'il devait être. » C'est évident, un fou d'une poche. Bon, il connaît tous les plans. Il n'est jamais où c'est que vous... Bon, il crée plein de problèmes. Alors, on ne travaille pas contre son ego. On travaille contre rien. Travaillez pour ce qui vous êtes vous-même. Développez la conscience. On développe la conscience en parlant, entre autres. Et c'est préférable. Quand on pense dans notre tête, c'est l'ego. On se fait ramasser en maudit. Alors, on doit parler. La meilleure chose, c'est de parler avec les individus. Mais quand je dis parler, je veux dire échanger de l'énergie. Dans une conférence, il y a des conférences, par exemple, réservées aux séminaristes, une fois par mois. On parle, comme on fait ce soir. On est quelques crans d'énergie plus haut. Une personne va dire, on ne parle pas. C'est un monologue. C'est l'autre en avant qui parle. C'est faux. Moi, je prends de l'énergie du public. Et je le transmute en parole. Le public ramasse de l'énergie, ça crée une synergie. On communique. Il n'y en a qu'un qui parle. Pas d'oreille, il n'y a pas qui parle. On communique. C'est ce que je veux dire par parler. Alors, vous pouvez faire une petite réunion chez vous. Prenez-vous pas au sérieux. Devenez pas un maître ou un gourou. C'est là encore, vous coupez de ce qui vous a amené là pour essayer de, et astralement parlant, avoir un poste. On ne doit pas faire ça. Mais s'énergiser, c'est vivre, c'est se plaire, c'est observer les choses et trouver, pas trouver ça beau, mais boire l'onde de forme, ça veut dire s'abreuver simplement de l'événement. Et entre-temps, on doit rencontrer des individus, que ce soit aux conférences, que ce soit chez soi, pour communiquer énergétiquement. C'est pas nécessaire qu'il y ait un échange de mots, mais il peut souvent y avoir un échange de mots. L'échange de mots permet plus puissamment d'émettre de l'énergie. Alors, de temps en temps, à un moment donné, comme la période de questions, souvent elle est plus énergétique que la première partie, parce qu'on répond aux questions des gens, et c'est pas nécessairement que c'est compréhensible. Et on doit comprendre, oui, astralement, que l'évolution n'est pas une compréhension astrale, c'est une accumulation d'énergie. De ce fait, souvent, vous ne comprendrez pas tout astralement, vous n'avez rien à faire. Vous ne comprenez pas comment vous digérez. L'important, c'est que vous soyez capable de digérer. Si vous êtes malade, il y a des problèmes dans le système digestif, là, il faudra comprendre le système digestif. Parce qu'on est malade, pas parce qu'on est en santé. Et c'est pas parce qu'on est en santé qu'on doit étudier le système digestif qu'on va rester en santé. On se fie à sa conscience. Il y a une forme d'intuition qui nous dirige. Mais le cheval ne veut rien savoir. Il veut manger du foin. Vous ne digérez pas le foin. C'est lui qui contrôle la bouche. Alors, on le sait. On s'amuse. Vous faites une connerie, trouvez ça drôle. Vous êtes encore fait avoir. Oui, mais c'est pas drôle, vous êtes fait avoir. Oui, c'est drôle. Parce qu'en riant, on ramasse de l'énergie. Alors, riez, vous êtes en train de l'avoir. L'humain a-t-il un double de lumière ou bien est-ce le cheval transmuté par l'énergie qui deviendra le double? C'est le cheval transmuté par l'énergie qui devient le double. Plus l'humain est un égoïste, plus l'humain foifonde son ego, plus il engendre un double éthérique, un double de lumière. Le double de lumière va être, c'est une correspondance, c'est similaire dans la forme à ce que l'humain est, mais ce n'est pas similaire dans l'agencement de l'énergie. On prend encore l'exemple du charbon. Le charbon, c'est du carbone pur. C'est identique au diamant, qui est du carbone pur. Mais l'association, l'angle des atomes n'est pas le même. Les deux sont du carbone pur. L'un est transparent et destructible, l'autre est totalement friable, totalement noir. Le double de lumière, c'est de l'ego pur. C'est-à-dire, c'est une âme pure, une âme sans ego, une âme sans mémoire. Elle n'a pas besoin de mémoire. Elle est reliée à l'instantané. Elle sait tout ce qu'elle a besoin de savoir lorsque c'est nécessaire. Et pour être capable d'être lié à votre intelligence, d'être centré sur vous-même, il faut absolument que votre ego ne soit pas là. Parce que l'ego, lui, ne fait confiance qu'à la mémoire, donc il ne peut pas se dire, « Moi, savoir tout ce que j'ai besoin de savoir quand ça va être nécessaire, t'es peur en maudit, ça. Les coups, ça ne marche pas quand j'en ai besoin. » Fait que là, il veut s'instruire, il veut apprendre, il se déconnecte totalement de la spontanéité, de l'instantanéité de l'intelligence, et ça ne fonctionne pas. Alors, l'humain n'a pas de double éthérique, il a un ajusteur de pensée. Par l'ajusteur, il va créer un double éthérique en s'en égoïsant, en faisant fondre l'ego. Ça, c'est de l'explication qui amène de l'énergie. C'est pas de l'explication qu'on doit comprendre pour l'appliquer. Comment faire un double éthérique? Un égoïse-toi. Comment on fait un égoïse? Amuse-toi. Ça, c'est applicable. Le reste, c'est pour communiquer de l'énergie. Alors, à un moment donné, on parle de double éthérique, d'ajusteur, de réincarnation fusionnelle, pluralitaire. On parle de certaines choses. On communique de l'énergie, on échange de l'énergie. Mais on n'en a rien à foutre dans la pratique, on ramasse de l'énergie. Mais un jour, toute l'énergie ramassée va servir. En attendant, ça ne sert pas les coups. Le Sagittaire, il se ramasse avec un cheval astral, un cheval éthérique, puis un cheval physique? Non, il est sage. Bien les Sagittaires. Attends, c'est mieux que la Capricorne. J'ai commencé à quitter les gens avec qui je n'ai pas à vivre ou à être avant même d'en avoir rencontré d'autres. À ma surprise, je commence à attirer ceux avec qui j'ai à vivre ou à être. Est-ce toujours le même processus ou devrait-on attendre les bonnes personnes avant de laisser les vieilles? Il n'y a aucune bonne qui va aller vous voir si vous êtes avec les vieilles. Imaginez que je viens vous rencontrer, puis vous êtes en train, mettons, messieurs, de parler de sexe avec d'autres bonhommes. Moi, je vous vois. Qu'est-ce que je me dis? Il n'y a rien à faire avec ces gars-là, je m'en vais. Puis vous, vous dites, oui, mais moi, je parlais comme ça, on attendait que tu viennes. Je ne viendrai jamais. Bien, c'est pas compliqué, mais bien. Bon. Il y a des femmes qui vont arriver pour jaser avec vous, ils vont vous entendre jaser, ils vont se dire « En quoi des animaux, il va s'en aller. » Non, c'est ça. C'est toujours la même chose. On doit arracher une peau, puis faites confiance, le reste va venir. Mais pas le faire à moitié, et c'est le problème. Souvent, on fait toujours tout à moitié. On va pied en ville, on va amener à moitié du cheval, là, on voit ce qui va se passer. Le cheval dérange. Bon, amener rien que sa crinière, ça te dérange. Bon, alors ça sert à rien, tu vas ou tu ne vas pas. Il n'y a pas d'entre-deux. Alors, c'est comme ça pour toute l'évolution, mais encore une fois, je reviens là-dessus, l'ego se fait être insécure. J'aimerais changer d'emploi pour avoir un emploi qui va me convenir. Et l'emploi qui va te convenir, là, il va arriver quand tu vas être libre. C'est simple. Bon, mais là, il faudrait que je lâche mon emploi immédiatement. Si tu as la structure financière pour, oui. Sinon, non, ramasse la structure financière. Mais il y a des gens qui vont se dire, ben, quand j'aurai la structure financière, je lâcherai. Puis ils feront tout pour que je m'envoie la structure financière, et en même temps, ils attendront toute leur vie de l'avoir. C'est encore des jeux de cheval. C'est difficile à appliquer. C'est pas difficile, tout est faisable. Mais je connais quelqu'un, par exemple, qui a appliqué plusieurs techniques que tu as déjà dit dans les conférences, c'est-à-dire que travailler pour s'amuser, donc ne pas travailler, puis être un peu moins indépendant de la matière, etc. Et sur le bien-être, puis de famille, puis de... Non, pas encore. Ça s'en vient. Mais il me racontait récemment que sa mère, lui cherche un job. C'est que les autres alentours, ils n'acceptent pas de voir quelqu'un qui est censément intelligent, qui a une quarantaine d'années, qui a des enfants, une famille, à accepter de vivre sur la corde de reine. Les autres alentours, ils ne comprennent pas nécessairement. Est-ce que la personne, à ce moment-là, quand elle est capable de supporter le fait que les autres ne comprennent pas, puis de supporter aussi de ne pas vouloir expliquer, parce que... Mais on doit supporter que les autres ne comprennent pas. Est-ce que ça le monte en énergie? Mais oui! Sinon, tu repars encore en quête du Graal, tu vas vouloir convertir, par exemple, la personne va vouloir convertir sa mère de ceci puis de cela, mais l'autre n'est pas au niveau de comprendre. En plus, c'est pas son plan de vie. Elle n'est pas dans le même plan de vie. En plus, si c'est sa mère, l'autre, c'est son enfant. Souvent, tu as des dissensions de gens entre les deux du point de vue de l'évolution énergétique, pas toujours, mais souvent. Ben oui, mais c'est naturel que tout le monde ne comprenne pas. Puis s'il veut le faire, qu'il le fasse. Parce que des fois, c'est pire. Si tu commences à expliquer à ta mère, ben là, c'est parce que je suis en train de me faire un double éthérique, puis vu que je me revenais. Pas sûr que tu puisses continuer d'élever tes enfants. Surtout, mais le fait d'être capable de garder pour soi des choses que de toute façon, on ne peut pas communiquer parce qu'on... Mais non, ça va de soi. Surtout qu'en plus, cet individu-là, il a appliqué des techniques, mais sans doute qu'il s'est rendu compte que de toute façon, même s'il n'appliquait pas, que ça s'appliquait tout seul. Parce qu'il n'a pas lâché son emploi, il s'est ramassé dehors Tout s'est bien arrangé, mettons. C'est différent quand même. C'est que la vie s'occupe des individus. Mais on ne doit pas convaincre autrui. J'explique souvent dans le séminaire qu'on doit être raciste. Puis un raciste d'initié. Alors, il y a ceux qui savent, il y a ceux qui sont susceptibles de savoir, avec eux on jase, puis il y a ceux qui représentent le reste. Ça sert à rien de jaser avec eux. Mais le raciste de l'initié, c'est un raciste qui est implacable. Il s'arrête là, mais il est sans appel. Donc, tu ne vas pas perdre ton énergie avec quelqu'un qui ne peut que la drainer. Par contre, le raciste de l'initié, c'est un raciste instantané. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta mère ou sa mère ou votre mère, tu la rencontres deux semaines après, puis peut-être que de ceux qui représentent le reste, maintenant elle fait partie de ceux qui sont susceptibles de savoir. Là, tu parles avec. Mais après deux minutes que tu as parlé, là, elle a sa dose, là, puis elle commence à descendre. Tu coupes, c'est fini, elle est rendue en bas. Ça ne sert à rien de parler avec elle. Non seulement tu la matraques à coups d'énergie, tu perds ton énergie, puis en même temps tu l'abîmes. On doit à de vie de ce raciste. C'est pas une couleur de peau, c'est une question énergétique. Et c'est un raciste instantané, donc on ne peut jamais dire « Ah oh oui, mais je la connais, celle-là, elle ne comprend rien. » Là, tu es un imbécile, énergétiquement. Ce qui arrive, c'est que tu la connais. C'est pas une question de connaître, c'est une question de savoir. Alors, sais-tu si présentement elle est prête à comprendre? On se fout de savoir comment elle était hier. Ce raciste-là, il est implacable, il doit être conservé. Parce que c'est l'une des grandes façons de conserver son énergie, d'être heureux. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux rencontrer mes parents de temps en temps. Mais vite souvent, de temps en temps, j'y vais. Et on parle de quoi on peut. Mais je les laisse discuter, puis je les laisse parler, puis bon, c'est tout. Pourquoi j'irais? Quelqu'un pourrait dire, t'as rien qu'à y aller du tout, t'as rien à faire avec ces gens-là. Non, j'ai encore de quoi à faire. Pourquoi? Parce qu'énergétiquement, c'est aussi, il y a quelque chose d'endoformique à aller chercher là. Esthétiquement, c'est correct de temps en temps de rencontrer des gens si la communication que tu as avec eux, elle est plaisante et heureuse. Donc, il n'y a pas de problème. Et c'est ça, le snobisme de l'évolution va faire en sorte, à un moment donné, que tu coupes tes ponts avec toute l'humanité qui n'est pas de ta race. Et tu perds beaucoup moins d'énergie à t'ajuster au discours que d'essayer d'imposer le tien. Mais oui, sauf que c'est évident que je ne vais pas tous les jours chez ma mère, puis en ajustant mon discours. Mais de temps en temps, disons qu'elle a suffisamment de besoin de ma présence, que quand j'y vais, on est correct. Un peu comme la première fois que vous rencontrez quelqu'un, on s'entend bien. Quand on se connaît trop, on s'engueule souvent. Alors, vu que ça fait 3-4 mois que je n'ai pas été, la discussion va être absolument énergétique. C'est correct. Et elle me respecte. Elle est inhibée, je suis inhibé, on se respecte, ça va bien. Si on se verrait souvent, on ne pourrait plus, ce ne serait pas long. Alors, par exemple, qu'est-ce que tu fais dans la vie maintenant? Ah, ben j'ai écrit un nouveau livre. Ah oui, ah, c'est pas mal bien. C'est sûr, tu sais, Kim, ça fait 3 mois qu'elle ne m'a pas vu, fait que là, pas pour dire que c'est pas correct. Mais si je le verrais 3 semaines, à un moment donné, ouais, mais tu ne penses pas que tu pourrais. Et c'est ça. Alors, tu coupes tous tes ponts. C'est faux, on ne doit pas faire ça. Il n'y a pas d'être humain qui est trop inférieur. Ce sont des êtres humains, ils ont de l'énergie, ils ont une conscience dedans. Elle n'est pas utilisée, la conscience, mais elle est utilisable pour eux et pour nous. Alors, on ne coupe pas. Mais, par exemple, pour la mère ou ces choses-là, bon, ben, OK, elle commence à faire le travail. À un moment donné, ça peut nuire, ça peut ne pas nuire. Mais on remet le karma des mains de l'autre. Alors, bon, OK, tu veux me chercher un emploi, ça va, mais je ne te garantis pas que je vais le prendre. Tu sais, tu fais la démarche, parce que tu veux faire la démarche. J'apprécie l'idée. Énergétiquement, c'est très esthétique que quelqu'un s'en fasse pour quelqu'un d'autre. Ce qui serait plaisant, c'est qu'elle s'en fasse énergétiquement. En réalité, elle ne s'en fait pas. Elle trouverait esthétique de trouver un emploi à son fils. Mais... Non, mais il n'en veut pas. Il y en a un. Exactement. Mais là, l'autre, il lui remet son karma entre ses mains. Tu sais, c'est que c'est... Autrement dit, c'est qu'en faisant ça, tu me dis que tu m'aimes. C'est bien. Tu pourrais me le dire différemment. C'est la façon que tu prends, ça va. Mais je ne te garantis pas que je vais prendre. J'accepte que tu le fasses, j'accepte que tu m'aimes. Énergétiquement. Mais pour le reste, c'est pas parce que tu m'aimes que je vais commencer à être ton esclave. Je ne peux pas tout expliquer ça, là. Mais c'est quelque chose comme ça qui est réel, là. Ce que je veux dire, c'est que comprenez au moins l'idée qu'il y a un échange d'énergie de la part de l'autre. On dit, ouais, mais tout, mais... Non, il y a quelque chose de génial qui se passe et c'est coloré par l'ego. Et ça, c'est pourri. Alors, ramasser ce qui est génial, le reste, on n'en a rien à faire, là. Il y a quelques années, j'ai demandé l'aide de 2 personnes décédées. L'une depuis plusieurs années, l'autre d'un temps récent. J'ai reçu l'aide et les instructions de l'une d'elles furent « Ne me dérange pas pour des niaiseries. Tu ignores où je suis. » J'ai même eu le sentiment d'être retenu par le bras à ce moment. Est-ce l'imagination qui m'a joué ce tour ou est-ce une communication possible? Si on sera en séminaire, là, je vous dirais simplement, qu'est-ce que tu en penses? Mais c'est ça. Oui, l'humain a besoin de confirmation, mais de temps en temps, il y a des personnes, cette personne-là, elle connaît la réponse, mais elle la connaît suffisamment. Mais quand je réponds comme ça, énergétiquement, le cheval se met à ruer des brancards. Mais pourquoi tu me le dis pas ici? Pourquoi? Parce que je ne veux pas devenir le maître de personne. Si, à un moment donné, on peut travailler ensemble, on peut faire un bout de chemin, on peut mettre de l'énergie. Quand l'individu arrive à un certain niveau où ce qu'il peut lui-même se synergiser, peut-être pas tous les niveaux, mais où il peut le faire tout seul, je m'en mêle pas. La personne ne connaît la réponse, c'est la bonne réponse. Là, on va dire, oui, mais moi, je suis sûr que c'est ça, mais tout d'un coup que... En tout cas, elle veut une confirmation, la réponse qu'elle connaît, c'est la bonne. Pourriez-vous expliquer comment plusieurs personnes peuvent être de la même source d'énergie? Oui, je peux l'expliquer. Je savais que tu dirais ça. Explique-le. Là, tu réponds aux questions du public, là. Après ça, tu poseras les tiennes. OK. On continue tantôt. Non, mais c'est parce que c'est impoli. Je m'identifie à ma conscience et la seule carotte pour moi n'est pas le bonheur, mais la conscience et le cheval doivent me suivre. C'est ça. Présentement, il accepte d'avancer. Est-ce ma conscience alors qui souffre de l'absurdité de tout? conscience au cheval pour ensuite le diffusionner à nouveau. Si moi je peux répondre, je peux m'amuser, je peux parler à peu près de n'importe quel sujet au niveau de la psychologie humaine et de ses structures. Humaine et végétale. Oui. Et malgré tout ce que je sais, par exemple, vous voulez partir démoraliser, là, peut-être aller vous suicider, ça me prend 5 minutes, puis probablement que vos égos vont tous vouloir y aller. Avec tout ce que je sais, normalement, je devrais être le gars le plus malheureux qui n'a pas sa planète. Je devrais être alcoolique, drogué, en tout cas, je devrais avoir de gros problèmes. Parce que je sais des choses, et lui-même, à un moment donné, il regarde, « Oui, mais moi, j'ai tel problème. Je peux tout y jaser son problème au complet, là, puis si je voudrais, je peux quand même y en amener un problème. » Et malgré ça, je m'amuse, je me plais. Parce que je ne travaille pas, je ne fonctionne pas comme l'humain fonctionne dans sa structure d'évolution. Deux choses qui me permettent de m'amuser. La première, c'est que je vois souvent ce que l'humain voit qui le traumatise, mais je vois aussi ce que lui ne voit pas, c'est l'information qui lui manque pour s'amuser. C'est vraiment pas traumatisant. La personne qui ne voit pas tout ce que je vois, ben si je suis capable d'aller disséquer tout son problème, elle devrait au moins se dire, bon, en tout cas, s'il dissèque, c'est qu'il voit ou il voit au moins, puis il s'amuse. Donc, il y a peut-être quelque chose que je vois pas. Attendez. J'ai expliqué que la première façon d'évoluer, c'est de conserver son corps physique. Après ça, ici, mais la conscience et le cheval, bon, le cheval doit me suivre. Présentement, il accepte d'avancer. C'est comme, présentement, il accepte d'avancer. C'est trop beau, donc j'attends de recevoir les fers. Et c'est ma conscience, alors, qui souffre de l'absurdité de tout. C'est drôle, mais moi, je n'ai jamais souffert de l'absurdité de tout. Pourquoi? Parce que, justement, la personne ici, sa conscience voit des choses, mais elle voit des choses à travers le filtre de son ego. Elle a une vision colorée. Et la vision colorée engendre de l'absurdité, c'est-à-dire qu'avec votre vision colorée, vous n'arrivez pas à voir l'intelligence sous-jacente à l'absurdité. De ce fait, tout devient absurde. Dernièrement, avec une personne, on était dans le bois, et elle avait vécu certaines petites expériences réincarnationnelles intéressantes, et là, il y avait une lucidité de conscience qui naissait chez elle. Tout le monde est assis, elle est debout. Tu sais, la vie, c'est niaiseux. Elle a totalement raison et elle était totalement tort. Parce qu'elle est suffisamment intelligente, si je lui dis qu'elle a tort, elle va se rendre compte que j'y mens. Puis si je lui dis qu'elle a raison, je vais dynamiser l'ego qui veut absolument lui créer des problèmes. Parce qu'elle a raison et tort. On dit elle aurait tort. Alors je lui explique, oui, tu as raison, mais pas comme tu penses. Puis on est tous reliés ensemble sur le même faisceau. Puis c'est l'un qui évolue, puis l'un qui meurt. Lui qui meurt, ça ne change rien. Elle a totalement raison et elle a totalement tort. Et il faut que l'individu commence à se planter solide, parce que là, c'est dangereux en maudit. Ça fait partie des toupies d'évolution. Normalement, ça mène les gens au suicide ou à l'alcoolisme ou ces choses-là. Ils ont raison et ils ont tort. Souvent, vous allez avoir raison et vous allez avoir tort. C'est pour ça que je vous dis d'attendre. La personne, si elle est suffisamment en énergie de communication avec moi, tout ce que j'ai à lui dire, c'est « Si tu vois ça, c'est parce qu'à un moment donné, on a joué ensemble. Mm-hmm. Tu es en train d'en faire un drame. Moi, je continue à m'amuser. » Attends, il te manque des morceaux. Je pourrais presque lui dire, fais-moi confiance, mais c'est pas fais-moi confiance, ouvre tes trois yeux. Mais à partir du moment où il y a du stress, de la souffrance, de la panique, c'est de toute façon absolument l'ego. Ça peut pas mais être oui. La conscience. La conscience. Alors comment veux-tu te fier à la vision que tu vas voir quand déjà tu es malheureux de regarder? Imaginez que le film est plat, puis que vous arrivez déjà sûr qu'il est plat, ben il va être plat en maudit. Même les deux bonnes faces du film, vous ne les verrez pas. Alors, fiez-vous pas à une vision si vous êtes malheureux. Fiez-vous pas à une vision si vous êtes heureux. Fiez-vous pas à ça. À un moment donné, vous allez... Moi, je ne suis pas heureux. je suis pétillant, il y a quelque chose de différent. Mais je me fie pas à rien, je vois les choses sont ce qu'elles sont, mais ça va. Alors, je m'identifie à ma, bon, je m'identifie à ma conscience, c'est la mémoire de la conscience, parce que c'est ce qui s'identifie qui est ce que vous êtes. Pas ce à quoi vous vous identifiez. Je m'identifie au chevalier supramental. Ouais, t'en es pas un. Bon. Le chevalier qui s'identifie au chevalier, c'en est un. Si la race indo-européenne est allée au bout de sa génétique, y a-t-il une limite pour chaque personne à la mutation et qui donc ne s'est pas débarrassé de son cheval? Que peut faire une personne qui est allée aux limites de la ville et ne peut y entrer avec son cheval? Elle doit attendre quoi? Si j'étais en séminaire, je dirais à la personne, je te réponds pas parce que ta question ne te regarde pas. C'est pas toi, c'est pas ton cas. Donc, on parlerait pour rien. C'est quelqu'un d'autre qui vient à un moment donné. Mais la personne ici, elle est sur le bord de la ville pour rentrer. La question est trop structurée pour ça. Donc, ce n'est pas la peine de répondre. Ça ne le regarde pas. Ça n'y arrivera pas. Il m'est déjà arrivé de disparaître dans la lumière pendant que je parlais à des amis. Que s'est-il passé, car eux aussi m'ont vu disparaître? Ben, vous êtes disparu dans la lumière. Qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Il n'a pas disparu parce que si tu disparais puis je te vois disparaître, je peux pas te voir, t'es disparu. Ouais, ben je pourrais t'expliquer qu'on peut voir quelqu'un disparaître. C'est sûr que si tu dis j'ai vu l'homme invisible, ben là, j'ai entendu l'homme invisible, ok. Tu m'es déjà arrivé de disparaître dans la lumière pendant que je parlais à des amis. Que s'est-il passé qui a réussi mon vœu disparaître? Il faudrait qu'on jase ensemble, parce que pour savoir exactement tout ce qui s'est passé, je pourrais fouiller dans les annales akashiques, mais c'est extrêmement coloré par vos amis. Vos amis, ils ont réagi comment? C'est passé quoi? Est-ce que c'est une subjugation de l'astral, ce qui se peut? Est-ce que c'est simplement un nuage supramental qui passait là? Ceux qui ne savent pas ce que c'est, à un moment donné, pourriez fouiller dans les livres d'Aurobindo et en parler un petit peu. Est-ce que c'était simplement une descente d'énergie? Qu'est-ce que ça fait la descente d'énergie de temps en temps? Ça subjugue les neurones, puis les neurones ne peuvent plus communiquer convenablement à l'ego ce qui se passe. De ce fait, tout le monde a une certaine vision particulière de certaines choses. Une personne qui n'était pas dans votre énergiopathie vous aurait encore vu, puis aurait dit, voyons, non, c'est un truc de lumière, c'est une gang de... C'est l'illusion collective. Ça dépend des points de vue, c'est pas de l'illusion. Alors, ce qui s'est passé, c'est il a pu se passer plusieurs choses. Ce qui est important, si on voudrait réellement parler comme on devrait parler ce soir, c'est pas important ce qui s'est passé. Ce qui est important, c'est ce que vous en avez fait et ce que vous en faites encore aujourd'hui. Pas vous en rappeler. Vous rencontrez un chevreuil dans la forêt, c'est naturel. Parlez-en pas pendant un an. Ça serait faire croire à votre ego que jamais il y en a. Il y a un peu d'énergie qui vous tombe sur le nez. Parlez-en pas pendant un an. Ce serait comme si jamais ça vous arrive. Et l'ego va dire, ouais, mais ça m'arrive jamais non plus. C'est sûr. Pourquoi on ne voit pas de chevreuil dans le bois? De vous rentrer et les appeler. Tu fais du bruit. Ils sont pas là. Deviens un animal, les animaux vont venir. Deviens un énergisé, les énergisés vont venir. C'est très bien. Il s'est passé plusieurs choses. On pourrait dialoguer longtemps sur tout ce qui aurait pu se passer. Mais ce qui est important, c'est que la personne comprenne plus précisément ce soir que la question, elle est intéressante, mais ce qui est important surtout, c'est de ramasser de l'énergie, qu'on réponde n'importe quoi. Je pourrais vous compter une pipe totale de ce qui s'est passé. Ne retenez pas la pipe, prenez l'énergie de la salle. Prenez la motivation énergétique. Ça, c'est utile et évolutif. Le reste, on n'a rien à faire. C'est pourquoi, à un moment donné, vous pourrez dire, « Ouais, mais t'as changé d'idée. » Oui. Mais de la façon dont je parle de ma nouvelle idée, c'est avec la même énergie, hein? Je n'ai pas changé d'énergie. C'est l'énergie qui est importante. Il se passe une course folle dans ma tête et il y a des difficultés à appliquer une chose à la fois et je suis prise à perdre du temps, un temps fou avant d'appliquer. Je suis consciente de cette situation, j'applique après perte d'énergie, mais je vois qu'il y a manque d'énergie pour appliquer. Que se passe-t-il avec la conscience et l'ego? Ceux qui ont déjà fait d'équitation, là, vous courez avec votre cheval, à un moment donné, vous descendez, puis vous marchez, puis vous suivez. Hein? C'est un peu ça qui arrive. La personne, il lui manque un peu d'énergie. Sa génétique est un peu faible. C'est pas un drame, là. Bon, on peut compter plein de pipes aussi, là, puis dire sa génétique est bonne, t'es correct, t'sais, lâche pas, t'es quelqu'un. Bon. Mais sa génétique est un peu faible. Ses antécédents biologiques de vie sont un peu faibles. Elle a fait des petites folies. Elle se tient avec des gens qui ont les mêmes carences énergétiques, mais qui ont la même conscience évolutive. Elle se tient avec des gens qui sont corrects. Pas tout le monde, là, mais des gens qui sont corrects dans son entourage. Alors, une course folle dans sa tête, oui, pourquoi? Parce que sa génétique est une génétique qui, théoriquement, ne permet pas l'intellectualisation. C'est une génétique qui, normalement, crée un être humain qui est un petit peu lent, qui ne comprend pas trop, qui n'est normalement pas trop instruit, mais la personne, elle fait mentir sa génétique. Donc, elle est en train de muter, il y a des choses qui se passent au niveau de son cerveau, et il y a des découvertes. Elle a la capacité de légifération, elle a la capacité d'intellectualisation, d'intelligenciation, tout ça au complet, là, c'est la folie furieuse, parce que l'ego se perd un peu là-dedans. Il se perd, et en même temps, il raffole de pouvoir s'exprimer, et ça crée des problèmes. La mentalisation, l'intellectualisation, la spiritualisation, l'émotivisation sont tous des pertes cérébrales d'énergie. Mais en même temps, il faut que la conscience puisse avoir une partie du cerveau pour s'exprimer. Tant que c'est la folie à l'intérieur de ça, la conscience s'exprime mal. Puis quand c'est suffisamment perdu en énergie, parce que ça a bougé beaucoup, ça s'exprime moins bien, puis en même temps, toutes les parties de l'ego sont gavées. Et là, la conscience peut venir. Et pour que la conscience descende dans un cerveau, il faut que le cerveau soit suffisamment énergisé. Sinon, la conscience, elle est totalement colorée par le cerveau, par le refroidi, plus aussi clair. La personne, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit continuer à faire ce qu'elle fait, parce qu'elle s'améliore énergétiquement, je parle. On parle pas d'amélioration du comportement, pas immédiatement. C'est pas ça qu'on doit évoluer chez l'humain. C'est pas le comportement. Évoluer le comportement, c'est d'obliger l'humain à simuler qu'il est évolué. Et ça n'engendre pas l'évolution, ça engendre la mémorisation. Ça engendre la copie conforme. Puis comme l'évolution fait qu'à chaque décennie, on doit changer de comportement, on est toujours confiné à l'éducation. C'est prenez un enfant, puis laissez-le intelligent, puis canalisez-le dans son intelligence. Ben, il va tout réinventer les lois intelligentes qu'on a inventées. Mais on n'aura jamais besoin de l'éduquer. On pourra l'instruire, mais pas l'éduquer. Mais habituellement, on essaie de faire taire leur intelligence pour les éduquer, puis après ça, ils comprendront qu'on l'a bien fait. Il faudrait qu'ils comprennent avant. Ils doivent faire tout seul. Alors la personne, ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle devra faire un peu plus d'exercices physiques. Pourquoi? Parce qu'elle doit absolument canaliser certaines folies qui se passent dans sa tête, dans le corps physique. Ça se met à penser là, qu'elle aille faire du bicycle, qu'elle fasse de la course un petit peu. Ah, elle n'a pas le corps physique, peut-être suffisamment en forme pour faire plein de choses, mais elle peut faire des choses. Et elle devra simplement se défouler là-dedans. Prenons l'exemple de personnes d'affaires ou même des enfants, à un moment donné, qui ont des problèmes d'hyper-expressivité cérébrale, on dit souvent hyperactivité dans certains cas. Ils vont faire du judo. Ils font des combats, ils se défoulent au coton, le reste de la semaine, ils sont bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est passé que ce qui avait besoin d'être gavé l'a été. Puis lentement, ça va s'exprimer ailleurs. Ils vont avoir le goût de courir plutôt que de se mettre à mentaliser. Puis la conscience aura de la place. Quel état ou pays dégage le plus d'énergie? Y a-t-il des saisons favorables pour s'y rendre? Il y a deux autres questions. Là où vous vous sentez bien, c'est l'endroit qui dégage le plus d'énergie dont la qualité vous est propre. Vous êtes venu au monde au Québec, probablement que la région du Québec, le bouclier canadien dont il a rentré d'entre autres, c'est une des régions énergétiquement les plus adaptées à vous. Et de temps en temps, ben, on doit voyager pour aller goûter ailleurs. Et si on se fie un peu à l'intuition plutôt qu'au prix des billets d'avion, il y a des chances qu'on se retrouve au bon moment, à la bonne place. Ça ne veut pas dire qu'on va apprécier la place, mais énergétiquement, probablement, qu'on va aller finir une réincarnation, on va revenir avec un problème de moins. Comment capter cette énergie? En respirant, en marchant, en souriant, en chiolant pas. En n'étant pas en train de dire, hey, tu veux comment il mange, tu veux comment il s'habille, tu veux comment. Reste donc au Québec, torieux, t'as rien à faire là. En allant s'imbiber de la place. Alors tout le monde s'assoit sur le trottoir pour manger. Pour, ben, asseyez-vous sur le trottoir puis mangez. Oui, mais c'est sale. Rentre au Québec. Voyard, tu ne pourras pas bénéficier de l'énergie si tu ne deviens pas un habitant de la place. Est-elle accessible à tous, cette énergie? Eh oui, l'énergie qui est pour vous est accessible à vous. Une autre personne ne pourra pas la prendre, mais elle devra aller ailleurs, ou vous ne pourrez pas aller prendre de l'énergie. On ne peut pas viser la collectivisation dans la structure évolutive intelligente et réelle. Par exemple, vous ne pouvez pas vous fier sur les autres pour savoir si vous avancez ou pas. Mais regarde, ceux qui se conscientisent, il y a toujours un bouton qui leur apparaît à vous. Moi, je n'ai pas eu, peut-être que tu pensais conscientiser. Peut-être que tu n'as pas la même génétique. Bon, tu sais, veux-tu qu'on t'en fasse un bouton, on fait une greffe de boutons. Bon, pour que tu puisses être heureuse dans ton évolution ou heureux dans ton évolution. On ne peut pas collectiviser l'évolution. Il y en a qui font Menfi puis qui ont tel résultat. D'autres font Menfi puis ont d'autres résultats. Peut-être que je le fais mal. Peut-être que tu es différent. On doit être naturel, pas normal. Parce qu'on ne peut pas apprendre à être normal en venant ici, certain. Non. Naturel, peut-être. La conscience ne sait pas qu'elle sait et l'homme sait qu'il ne sait pas. Y a-t-il quelque chose qui sait qu'il sait? Oui. La conscience ne sait effectivement pas qu'elle sait. C'est évident. Elle n'a pas besoin de ça. L'homme sait qu'il ne sait pas. Et là, c'est faux. On va ajuster les mots. C'est vrai. On va ajuster les mots. Si on prend homme comme la globalité, l'homme sait. Si on prend l'homme comme l'animal humain, l'ego, lui sait qu'il ne sait pas. C'est pour ça qu'il veut apprendre. La conscience sent toute la phénoménologie de l'homme, de la femme, donc de l'enfant, ne peut pas savoir qu'elle sait. L'intelligence prémentale, ce n'est rien d'autre que de l'énergie, tant que ça ne vous touche pas. Mais l'énergie astrale, ce n'est rien d'autre que de la mémoire d'intelligence, tant que ce n'est pas dans l'humain. Et l'alliance dans l'homme du passé, de l'instantané, donc finalement de l'avenir, va engendrer un truc intéressant, qui n'est même pas explicable pour les causes des carottes qui sont trop dangereuses. Mais oui, l'animal humain sait qu'il ne sait pas, l'intelligence ne sait pas qu'elle sait, puis l'être sait. Différent. Je sais que vous pouvez expliquer comment plusieurs personnes peuvent être de la même source d'énergie. Faites-le. Bon. J'ai de la misère à traduire de l'anglais. Des fois, je rajoute des mots. Spirituellement, on parle des frères et sœurs en esprit. Tous les êtres humains ne sont pas frères et sœurs en esprit, mais plusieurs le sont. Quand on parle d'être lié à la même source d'énergie, il faut comprendre différentes choses. La personne dans le bois me disait, « Ouais, mais finalement, on est toutes la même chose. On est tous reliés au même faisceau, c'est vrai. Il y a un faisceau qui part, on parle de faisceau là, mais en réalité c'est une ambiance, une atmosphère. Un faisceau qui part, et le faisceau, lorsqu'il rentre dans la création, il s'effuse, il éclate, la création ne peut le supporter. Éclatant, il engendre la création, et étant éclaté, il est maintenant divisé. On parlera de trois faisceaux, trois ambiances, on parle de trois dimensions. qui inclut le temps. Et on parle de trois dimensions, on parle surtout des dimensions spatiales, on parle de dimensions temporelles, puis on parle de dimensions de conscience, quand je parle des trois dimensions. Les trois faisceaux voyagent ensemble, puis à un moment donné, rentrent dans un super univers et ils éclatent. Et ils vont engendrer 12 faisceaux ensemble. Chacun des faisceaux se divise en 4. Les 12 faisceaux rentrent dans un univers et ils éclatent. L'univers ne peut les supporter. Ils créent l'univers en même temps qu'ils pénètrent à l'intérieur. Et ils engendrent 144 000 faisceaux. Je donne des exemples. Parce qu'en réalité, on parle de 12 faisceaux. On parle de 3 faisceaux. Il y en a eu un 4e, il y en a eu un 5e. Ça dépend par où l'énergie rentre dans le système créationnel. Les faisceaux, lorsqu'ils rentrent dans un système solaire, planétaire, se divisent et là, ils éclatent en milliards de faisceaux. Les faisceaux vont rejoindre chaque individu en fonction de la quantité de corps physique disponible. Dans le passé, quelques millions, quelques milliards maintenant. Alors, on peut comprendre quoi? Une personne ici a un faisceau, va dire bleu. Un autre a un faisceau vert, un faisceau rouge, un faisceau jaune. On parle de couleur, on parle de longueur d'onde. Et les faisceaux, le rouge, lui, il est relié à quelque chose qui est rouge. Donc, il y a un autre, le faisceau rouge, lorsqu'il a éclaté ici, ben, il est relié à différents individus. Eux sont tous frères et sœurs en esprit. Mais ils sont tous peut-être religieusement ou spirituellement contre le cave ou la cave là-bas, qui, elle et lui, ne sont pas frères et sœurs en esprit. Dans le contexte planétaire, sont reliés à un autre faisceau. Les chevaux ne sont pas de la même race. C'est ça. Par contre, ce qu'il faut comprendre, à un moment donné, lorsque l'humain sera suffisamment évolué, il y aura un processus de fusion. Fait mal toujours un peu à l'ego lorsque j'en parle, si j'ai pas le temps d'en parler suffisamment. Il y aura un processus de fusion où les individus du même faisceau vont finir par se réincarner unitairement dans un corps. C'est pourquoi, bibliquement, on parle de 144 000 élus. Ça inclut toute l'humanité. Mais il y aura 144 853 corps physiques qui vont récupérer tous les êtres humains de toutes les humanités, de tous les temps. Résurrection, réincarnation, on va y revenir aussi. Lorsque l'être humain va vivre cela, il sera encore frère et sœur en esprit, mais il sera 144 000. Donc, il aura résorbé la majorité des faisceaux quatrième importance sur le plan planétaire. Et les 144 000, à un moment donné, vivront un processus fusionnel qui déterminera qu'il ne restera que 12 êtres humains. Mais ce ne sera pas dans des corps physiques comme les nôtres. 12 véhicules. 12 véhicules qui sont reliés au phénomène super universel, donc ils auront un corps éthérique et ils voyageront par transport séraphique, transport éthérique. C'est beaucoup plus rapide que le temps. Quand on dit, par exemple, la vitesse de la lumière, c'est 299 000, bon, on aurait résumé 300 000 km à la seconde, parce que j'ai demandé comment c'était, puis il m'a dit 300 000, mais c'est pas assez précis. 300 000 km à la seconde. Et dans notre création, rien ne va et rien ne peut aller plus vite que la lumière. Mais à l'extérieur des quatre dimensions que l'on connaît, qui constituent une des dimensions créactivées, tout va beaucoup plus vite. Transport séraphique n'est pas relié au phénomène spatio-temporel, donc il va beaucoup plus rapidement que la lumière. Lorsque l'être humain va regrouper ces faisceaux-là, ben, il aura accès à son super-univers, il aura accès aussi à la mécanique réactionnelle. Parce qu'il n'y a pas un univers, il y en a plusieurs univers, ça apparaît, ça s'en va, ça joue, c'est des bulles. Ça dure quelques milliards d'années, mais c'est des bulles, c'est des étincelles. Alors, pourriez-vous expliquer comment plusieurs personnes peuvent être de la même source d'énergie? Quand on parle de source d'énergie, on parle de faisceaux, ce qui fait que nécessairement les individus sont reliés à plusieurs faisceaux. Séparés, différents, et ils ont la même source dans le contexte planétaire. L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'enfant nouveau vit un processus qui, archétypalement, n'est pas prévu, un néotype, une nouvelle forme, un nouveau processus qui l'autorise à recevoir plus d'un faisceau. Alors, à un moment donné, dans sa conscientisation, il finit par accepter les Krishna, accepter les Juifs. Il se brise du phénomène de race, le racisme spirituel qui crée les guerres, parce que les peuples ne sont pas deux frères et sœurs en esprit, ne sont pas reliés au même esprit, donc pas reliés au même Dieu, pas reliés au même faisceau. Parce que l'être nouveau reçoit et est capable, à un moment donné, de se voir coloré par différents faisceaux, il commence à voyager de point de vue et il comprend plus globalement le processus évolutionnaire des humanités. Ce qui facilite chez lui énormément de problèmes astrales ou de cheval. Et l'homme, la femme et l'enfant nouveau, justement, vont finir par fusionner chez eux plusieurs faisceaux avant de devenir des êtres qui seront probablement les gardiens corporels de l'évolution de l'humanité qui s'en vient. Quand on parle de la race indo-européenne, même chose, tu dirais par exemple, je suis de la race indo-européenne, au niveau des faisceaux, je reçois le faisceau bleu, faisceau pycéen par exemple, et je suis rendu à la porte de la ville, mais on ne veut pas me laisser rentrer parce que je sens le cheval, mais j'ai plus de cheval. Est-ce que je devrais mourir, me réincarner dans un corps propre pour entrer dans la ville? Historiquement, on a une clé. Mais cette clé, elle est initiatique, c'est-à-dire c'est une clé qui ne peut être comprise que par l'initié ou l'initiable de dernier degré. Cette clé s'appelle « Lave-toi et tu ne pueras plus ». On appelle cela « On se lave dans l'eau », alors immerge-toi complètement dans l'eau, frotte-toi un petit peu puis tu ressors. L'âme sera restée là. On appelle cela le baptême. Le baptême veut dire qu'on te donne un nouveau nom. Le baptême veut dire que tu abandonnes toutes tes habitudes, toutes tes traditions pour adopter les nouvelles. Mais spirituellement, le baptême a été récupéré puis on s'en sert dans l'astral. Moi, je vous parle de l'initiation du baptême. On a l'initiation de l'air, on a l'initiation de l'eau, du feu et de la terre. L'initiation de la terre, ésotériquement, c'est d'être capable de survivre à sa mort physique. L'initiation par l'eau, c'est la plus facile, c'est la première d'ailleurs, c'est la capacité de survivre sans son ego. Après vient l'initiation par la terre, l'initiation par l'air qui est celle de rencontrer les mécaniques astrales, donc les mécaniques planétaires astrales. Le Nazaréen pourra rencontrer des forces qui vont essayer de le planter, le diable dans le désert par exemple, c'est l'air. Et il y a le feu. Le feu, c'est rencontrer Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se rencontrer nous-mêmes, se joindre énergétiquement à ce que nous sommes. Et ça paraît facile, se rencontrer soi-même. Mais non, je ne parle pas que l'ego va se rencontrer lui-même. C'est pas se regarder dans un miroir. C'est la plus pénible. Pour un animal humain. Mais il n'y a pas de danger, l'animal humain ne sera jamais là. Donc, c'est pas pénible. Mais si on l'explique, il la voit comme étant la plus pénible. Alors, vous arrivez aux frontières, ben c'est ça. Lavez-vous. Ça veut dire quoi? Soyez ce que vous êtes. Cessez d'être celui qui veut être celui qui est. Autrement dit, cesse de vouloir être la personne acceptée dans la ville. Rentre dans la ville. L'odeur va rester dehors. Tu le sais pas, t'es pour rentrer, rentre. Et pas, c'est pas l'ego qui doit rentrer, évidemment. Sinon, là, vous sentez le cheval. Puis en plus, vous avez une queue, tu sais. Une crinière. Le cheval qui rentre. Quand on va être fusionné, là, de 144 853 à 12, est-ce qu'il va y avoir encore de McDonald's? Peut-être. On va vivre comment? On ne peut pas avoir d'idée aujourd'hui. L'ego, là, quand tu dis ça, ça peut faire peur à certains égos de se dire qu'est-ce qu'on va faire? On va pas avoir de plaisir, on va pas avoir... Parce que tout ce qu'on a vécu en termes d'ego humain, ça a été du malheur, du bonheur, de la souffrance, de la tristesse, etc. Puis là, subitement, on a reçu ça. Les 2, 3, 4, 5 de notre vie, ou si on est chanceux, 6 et quart, dans lequel on n'a pas eu ça, ces phénomènes-là, on s'en rappelle à peu près pas. Là, quand tu parles de ça, je vois à 100% ça. À 100% la non-souffrance, la non-émotivité, le non-bonheur, le non-malheur, etc. L'inexistence de tout ça. Es-tu capable de donner une approximation de la saveur que ça peut être, acceptable par l'ego, sans y faire peur, puis sans les... Quelqu'un qui est habitué de manger des choses brunes ne comprendra jamais ce qu'on veut dire quand on y parle de gâteau. Du gâteau au chocolat? Même pas. Quelqu'un qui mange régulièrement de la merde ne pourra jamais comprendre ce qu'on veut dire lorsqu'on lui dit qu'un jour tu mangeras, mais ce que tu mangeras goûtera bon. ils essayent de se voir. J'ai effectivement, je te mange le marde qui était moins mardeux. Je te mange, ça n'a rien à voir. Alors, on ne peut pas, sauf si on engendre une spiritualité religieuse. Qui nous empêcherait d'y aller. Oui, qui nous empêcherait d'y aller parce qu'on croirait, bon, on attendrait d'être sauvé. Mais on ne peut pas expliquer pourquoi. Parce que l'humain va le savoir instantanément lorsque ça va être le temps. Par son intuition, il va le savoir. On va aller le savoir énergétiquement. Vous ne pourrez même pas vous le donner en mots. Encore une fois, votre cheval sera frustré. Oui, mais j'ai ce bout de langue, mais j'ai rien. Non, l'ego ne pourra pas comprendre la saveur. L'ego va essayer de comprendre la saveur en fonction de ce qu'il connaît. Ça n'a rien à voir. C'est comme je te dis, tu as passé ta vie à voir que la couleur jaune. Tu me dis, explique-moi, c'est quoi le bleu? Et le bleu, c'est comme le jaune, mais ça n'a rien à voir. C'est comment veux-tu t'expliquer le bleu? Je peux pas t'expliquer le bleu, c'est merde, je peux pas. Hein? C'est ça. Alors on peut pas. Mais chose certaine, c'est que c'est bleu. Et c'est mieux que le jaune. Mais la conscience, ouais. La conscience nous le communique un peu. Et oui. Ce que ça peut être, parce que d'un côté, tu as l'ego qui se dit, bah, ça vaut pas la peine que je me rende là, je te souviens des études, parce que je sais pas ce que c'est le bleu. Puis de l'autre bord, oui, continue. Comment on fait pour y aller facilement? Je le réexplique encore. En finissant, vous ne savez pas où vous allez. Vous ne savez pas c'est quoi le bleu. Vous savez ce que vous n'avez plus besoin. Alors, tournez-vous de bord et éliminez tout ce que vous ne voulez pas. Automatiquement, vous allez vous diriger exactement vers votre chemin de sagesse. De sagesse d'énergie. On n'a pas besoin de dire. Moi, je peux vous dire des choses qui ne sont pas correctes. Ça vous vibre? Parce que vous êtes d'accord, parce que vous le saviez déjà. Mais moi, j'ai ce qu'il faut pour que votre conscience finisse par venir instruire l'ego. Mais même si je dirais, il y a la paix, yo, ça ne voudra jamais rien dire pour personne. Alors, au mieux, c'est, il y a telle affaire, que ça nuit. Hein? On s'ennuie, si on est d'accord, bon, ben c'est ça. Ça, là, à un moment donné, il faudrait que ça nuise plus. Et comment on peut le faire? Ben, il y a une façon de faire en sorte qu'on travaille sur l'énergification, le reste va finir par tomber. Alors, la semaine prochaine, on ne revient pas qu'une conférence. Allez à Blue Bonnet, tu vas avoir des vrais chevaux. C'est ça. Et tant, donc, la deuxième semaine de juin, alors on parle de karma blanc, karma noir, je crois, et là, on revient. Donc, si ça vous tente de vous énergiser ou de vous énergifier, ben vous viendrez. Bon, deux semaines.